Le disin de neige. Anne, par jeu, me jeta de la neige, que je croyais froide certainement, mais c'était feu. L'expérience à neige, car embrasé je fus soudainement. Puisque le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverais-je place pour point brûler? Anne, ta seule grâce éteindre peut le feu que je sens bien, non point par eau, par neige, ni par glace, mais par sentir un feu pareil au mien.